Attention les petits loups, vous êtes prêts pour le tirlipimpon? L'été dernier fatigué, je suis parti sur une chaloupe. Bronzé ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tirlipimpon sur le chihuahua. Tirlipimpon avec la tête, avec les bras. Tirlipimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. Bronzé comme une coco girl, je suis parti à Tokyo. Voir le soleil, le vent, c'est beau, c'est beau. J'ai rencontré Tatumi, la number one des geishas, qui m'a fait un truc inédit. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Tatumi? Tirlipimpon sur le chihuahua. Tirlipimpon avec la tête, avec les bras. Tirlipimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. Comme j'avais un rendez-vous, j'ai pris mon jean, mes babouches, et sur le Nil, je suis parti, la coulée douce. À l'hôtel des pyramides, j'ai rencontré Osiris, la Madonna des harems, qui m'a fait un truc pas triste. Mon fils, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Osiris? Tirlipimpon sur le chihuahua. Tirlipimpon avec la tête, avec les bras. Tirlipimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Sur le chemin du retour, comme il faisait chaud, dis donc, je suis passé voir Sophie, c'est bon, c'est bon. Sous un baobab géant, elle m'a fait l'eucalyptus, un truc qu'aiment les éléphants.